son âne, il entend le tonnerre. Il se dit qu'il risque à voir encore des éclairs. Que le temps est pas clément et même qu'il est sévère. Il s'en va à la croix morale. Et retourna.